Combien de fois au jour a succédé la nuit? Moi, prisonnier dans Rome, en vain, puis en Florence, du vicaire du Christ, j'implorais l'assistance. Jusqu'au pied de Paul III, Médicis me poursuit. Belle Basilea, terrible inquiétude. Ah, ma raison s'égare en cette solitude. Ne vous verrons.